l'émission. C'est l'émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial David Carrera. Il est là, il est en pleine forme. Alors par contre, c'est vrai qu'ici on n'est pas habitué, c'est d'habitude d'avoir les applaudissements et tout. Il va falloir que j'engage quelqu'un pour faire chauffeur de salle, pour bien expliquer à quel moment on applaudit. C'est maintenant qu'on applaudit, s'il vous plaît, faites du bruit. Pour David Carrera qui est là, qui est venu avec... Bah, tous les gens qui, je suppose, envoient plein de messages avec le hashtag David Carrera sur Skyrock, on en a une partie dans le studio. Ouais. Qui sont là avec nous. Il y en a une grande partie dans le studio, même. C'est, je pense qu'il est bien rempli, là. 1% de mec, 99% de nanas. Il est là, le mec. Il est là. Ah, il est là. On a trouvé l'intrus. Désolé, il faut sortir. C'était pas je le truc. Désolé, il faut sortir. C'était quoi le faut truc qu'on reste entre le Willy, là, le trouver Willy. Ouais. Charlie. Trouver Charlie. On a trouvé Charlie. On a trouvé Charlie, mais Charlie, je suis désolé, on reste contre Nana en soir. J'ai mis mes plus beaux talons pour accueillir David Carrera avec nous. Ça va bien, David? Ça va, et toi? En pleine forme. Alors, cette journée à la Fnac, là, à 15h, il y avait du monde, il paraît. Bah, il y avait beaucoup de monde. Ah, on m'a dit que c'était incroyable. Momo y était. Bah, il y avait 800 personnes, donc on était vraiment chaud. C'était cool. Attends, tu as le chiffre de la police, hein, parce que moi, on m'a dit 900 000 même. 900 000 personnes. Il y avait, selon les organisateurs, c'est bien, t'es raisonnable. Donc, selon la police, 800. Selon la police, sinon, il y a 800. 3200 selon les organisateurs. Non, bien passé. Cool, on s'est bien amusé. C'est sympa, tu vois. J'ai pu avoir les retours des personnes en direct sur les titres, sur un peu tout. Et voilà, si vous pouvez le faire après sur Twitter, là. Et bah, allez-y, balancez. Sur les SMS, vous pouvez balancer les titres que vous préférez, etc. Le hashtag David Carrera sur Skyrock. Les images sont dispo aussi sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Vous pouvez mater évidemment les images de ce Planète Rap. Des invités ce soir? Ce soir, il y a des invités. Mm-hmm. Un à tes côtés. Il y a des invités du 9-4. Eh, 9-4. De la maison. On avait le patron qui est passé lundi, c'était Mokobé qui est passé. Ouais. Et il a fait une bonne promo. Bah, à la Mokobé, quoi. À la Mokobé. Au top. Et je suis de son école, en plus. Voilà. Et de la nouvelle école, c'est monsieur LECK qui est là. Bonjour. On peut applaudir LECK aussi. Ah, merci. Je te promets que d'ici la fin de la semaine, il y aura un chauffeur de salle, comme dans toutes les émissions. Alors, on va faire ça bien. Ça va bien, LECK? Très, très bien. Retour toi, tu es... de vacances, magnifique. Tu es sur l'album? Magnifique. Tu es dessus? J'ai l'honneur d'être dessus. Bon, est-ce... Non, ça, ouais. C'est moi qui ai l'honneur que tu sois sur l'album. Magnifique. Le morceau s'appelle Boom. Il est magnifique. Et bon, on l'écoutera peut-être ou vous le ferez en live tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on le fait en live. Avec plaisir. On va parler de cette rencontre entre tous les deux aussi. Tout va bien pour toi, LECK, en forme? On est là. Cette petite chaleur, tout va bien. C'est l'été qui se prolonge. Voilà, exactement. En même temps, toujours on est en été. Hein. Les gens se disent c'est l'été, mais jusqu'au 21 septembre, on est en été. Donc, Et le mois d'août, il vient de commencer. À Paris, c'était pas très. Non, donc on va profiter du mois de septembre. Avec cet album qui est dans les bacs depuis fin août, justement. Et puis avant d'attaquer l'émission, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. Écoutez. David Carrera on Planet Rap. Planet Rap. Skyrock. Bienvenue à toi, tu as des invités, je vois que tu es venu en nombre ce soir dans l'émission. Ouais, pas mal d'invités. Et il y a la famille, il y a DR, Dry. J'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment une ambiance famille et c'est cool, c'est on travaille bien, on s'amuse et on fait de la musique, tu vois. Quand je l'ai vu, on s'est vu sur le clip, franchement, c'est quelqu'un de super agréable, super gentil, super respectueux. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, oh. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, oh. Planet Rap. Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Sur Skyrock. Donc c'est le quiz Snoop Dogg. America's Most Wanted. Après ça, je m'en vais. À la prochaine. Et j'ai même pas entendu le truc. Et en plus, son anglais, il est rincé. C'est vrai. Anglais portugais. C'est vrai que tu te démerdes mieux. C'est vrai que tu te démerdes mieux en portugais. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Redis-le nous, s'il te plaît, le morceau de Tupac avec Snoop. America's Most Wanted. Allez, c'est parti en live maintenant. La famille. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh famille. Obrigado la famille, on s'entraide dans la famine. Jamais ne toucher la farine qui t'a galéré de Staline. On s'installe si les keufs s'alignent. Le courage mieux que l'argent, donc on agit, n'est-ce pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté, à s'en dérouter. Soudé comme des siamois, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, donc on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, David. Pas de ça chez nous. Pas de boîte, yeah. Si vous êtes contre nous, on se dresse contre vous, c'est. Oh oh oh oh oh oh oh oh la famille. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Voilà, c'était hier soir avec en effet ce magnifique cours d'anglais que l'on a eu de la part de David. T'inquiète, si vous voulez des cours d'anglais, je vous passe mon numéro. De portable, qui est le 06. Vas-y, fais le malin. La suite. La suite du numéro. Ouais. Attends, je vais voir. Ah, tu veux vraiment filer? Vas-y, non, hein. On va bien rigoler. J'ai fini le numéro de Vlad, attends, laisse-moi. Alors. 06 32. Ah, tu veux le numéro de Vlad? T'inquiète, mais tu donnes le reste. Moi, je donne 0632. C'est pas un problème. Quelqu'un, ah, il y a combat de portable ce soir? Il y a combat de portable? Allez, c'est parti, 0632 71. Oh là là là là là là là là là là. Non, non, non, non. Tu peux couper l'antenne. Bon, et le CK qui est là aussi avec nous ce soir entre 20h et 21h. On va faire connaissance avec votre rencontre. C'est quoi l'histoire avec LECK? Tu veux nous dire un mot, David? Bah, moi, en fait, mon premier album portugais, je l'ai bossé avec avec Tofa. Exact. Et à l'époque, c'était en 2011. Je crois que tu venais sortir un titre qui s'appelait All In. Ouais. Et quand j'ai écouté le titre, j'ai dit c'est ouf. Le mec, il rappe, il chante aussi. Exactement. Mais c'est pas mieux que toi, mais. Ah non, non, non. Mais c'était, il y avait un vrai délire. Après t'as fait XPTDR, c'est ça? Exactement, sur le premier album. Donc j'étais bouleversé, je lui ai dit moi j'adorerais travailler avec LSEK un de ces jours, tu vois. Ça s'est pas fait sur mon premier album portugais, ni sur le deuxième portugais. Et là ça s'est fait sur le premier album français, donc c'est un honneur, tu vois. C'est... Portugais, j'ai un peu de mal. J'aurais pu dire obrigado, ça va, tu maîtrises, et après le reste. À cause de lui, chez Believe, obrigado, c'est devenu un hymne. En tout cas... Toi, est-ce que tu es, est-ce que moi, c'est Vlad qui a bon, ça s'est contacté entre trucs. Ouais. Et personnellement, dès qu'on a reçu la proposition, moi j'ai carrément sauté sur l'occasion. En plus, on a été en studio, humainement ça passait. Et bah voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est assez unanime avec tous les artistes qui sont passés depuis lundi, que ce soit Mokobé, Shinseka, Hydrai, qui sont passés depuis lundi. Tout le monde dit humainement, il y a un truc qui est incroyable avec ce mec-là. Il est incroyable. Franchement, il est dans l'esprit hip-hop, il le sait même pas. En fait, il est dans un esprit hip-hop. Nous, on est dans un bon délire aussi. Je pense que voilà, on n'est pas fermé d'esprit. Donc forcément, ben voilà, l'alchimie, elle s'est faite. Le titre était déjà bon. Vlad, c'est quelqu'un qui m'apprécie et que j'apprécie aussi énormément. Et voilà, on a travaillé ensemble aussi simple. Franchement, ça s'est fait très simplement. Et le résultat s'appelle Boom. Il s'appelle Boom. Le clip, en une demi-heure, c'était bouclé, c'était, ma part. En tout cas, lui, il avait bien trimé toute la journée. Moi, je suis arrivé, une demi-heure, c'était clair. Je me rappelle, il y avait un match de foot ce soir-là. Ouais, on est parti direct, toi, c'était au parc. Ouais, je suis parti direct. Tiens, d'ailleurs, ce soir, il y a du foot. Il y a le PSG, mon ami. Ajax. Ajax. Il y a Porto aussi. Il y a Porto aujourd'hui. Hier, il y avait Benfica. Benfica s'est mangé une belle petite raclée. Belle petite raclée. Moi, je suis pas du Benfica, donc c'est tranquille. Et la cote du Zénith, elle était pas mal en plus. Hein. Il y en a qui ont pris, c'est ce que t'es en train de dire. Oh, merde. Donc, Champions League ce soir, en effet, à suivre aussi chez Diffoul tout à l'heure à 21h. Mais revenons un peu sur la musique. Donc, Boom, le clip, pareil, rapide. Franchement, humainement, ce mec-là, il déchire. Et voilà, et je ne pense pas que c'est la dernière dernière collaboration. Ensemble, ouais, parce j'espère que il déchire. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce titre, et je pense que avec la participation de LSEK, il a vraiment ramené un vrai délire dans la chanson. Il l'a fait monter 10 il étages. Il l'a customisé. Ouais. Et je suis vraiment content. Merci, moi aussi. Et ben, on l'écoutera peut-être tout à l'heure, ou je sais pas si vous le faites en live, ce qui est prévu ce soir. Là, on va débuter avec le morceau avec Snoop Dogg, parce que c'est qu'il a Snoop Dogg aussi sur son album. Quand même. Je ne refuse rien. Les rappeurs, ils se tueraient pour Snoop Dogg. Ah, oui. Viser le chaos, c'est le nom du morceau qu'on écoute tout de suite. Et puis juste après, tiens, nous aussi, on a été dans la rue. C'est le son de la rue, on était demandé aux gens qui passaient ce qu'ils pensaient de toi. D'accord. Voilà. Donc tu vas voir un peu. Bon, on espère qu'il y a des trucs positifs. Hein. Et ben, j'espère pour toi. La réponse dans quelques minutes. C'est David Carrera, notre invité sur Skyrock dans Planète Rap. On y va. Obrigado. Alors, vous êtes KO? Je crois pas que ce soit celui-ci, Fab. Ah, c'est celui-là. David Carrera. Yeah. Big Snoop Dogg. David Carrera. We got this one for the kids. Yeah. Rap Peace. Skyrock. Ja. Rastafari. Yeah. Derrière les invincibles de nos héros tranquilles, y'a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, vers vont mes pensées. Ces géants qui me donnent l'espoir, la force et l'envie d'y croire. Un Mentali a eu peur de tomber. Alba Gino du mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan, Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, yeah, I have a dream. Ta ta ta ra, ta ta ra. Frapper, viser le chaos. Ta ta ta ra, ta ta ra. Gagner sa place en haut. Ta ta ta ra, ta ta ra. Frapper, viser le chaos. Ta ta ta ra, ta ta ra. C'est tout ce qu'il nous faut. Big Snoop Dogg. In the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire and uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Moa, Medali, a eu peur de tomber. Al Pacino, du mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan, Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, I have a dream. Ta ta ta. Double low peak, David Carrera. Like this. Big Snoop got game to obtain for real though. Come here though. Do what I feel though. Turn it up and laugh. Yeah. So I can go ahead and break it on down. Bam, bam. Da da da da da da da. Frapper, viser le chaos. Snoop Dogg, L.E.C.K. Right. La famille. David Carrera avec Snoop Dogg. À l'instant, le morceau. Bravo. Bravo. Viser le chaos à l'instant, c'est extrait de l'album Tout Recommencer qui est dans les bacs depuis fin août et qu'on découvre aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, donc tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Donc comme dirait Mokobé, allez l'acheter s'il vous plaît. Tu reconnais bien les paroles de Mokobé, non? Chez magnifique. Vous. Je vais t'en faire une après tout à l'heure. Une Mokobri. Une Mokobri, ouais, tout à l'heure. Comme dirait Mokobé, allez l'acheter. J'espère que vous allez le kiffer. Ouais, ça coûte pas cher, ça faut aller l'acheter. Ouais. Voilà, attends, demande à tous les. Vous l'avez tous ici d'ailleurs? Ah, c'est sûr ça. Bien sûr, on veut les preuves, hein, voilà. Ah ouais. Il y en a qui ont téléchargé illégalement. Magnifique. Ah non, légalement, les. Incroyable. Bah, vous pouvez aller le réacheter encore une fois, s'il vous plaît. Pour les bonnes œuvres de David Carrera. Pour les bonnes œuvres de David Carrera. Pour faire un autre album. J'espère que vous allez le kiffer. Et voilà. Non, c'est j'ai l'impression d'avoir un mot complet. Ouais, t'as vu. Ah, tu le maîtrises bien, le mot complet. Ouais, bah hein. Oui, bah oui. Bah alors, Fred. Les jaloux vont maigrir. Ah oui. Ah, on lui a appris les jaloux vont maigrir en portugais. Comment on dit? Tu veux que je te l'apprenne? Vas-y. Attends, je vais te l'écrire. Vas-y. Sinon, dis-le nous, parce que pour l'écrire, c'est pas très radio, David. C'est os. Os. Os. Os. Os. Os. Os. Magros. Magros. Magros. Vao. Emma. Emagre. Emagresse. Emagresser. Os. Vas-y. Elle le fait mieux que os. Magros. Vao. Emagresser. Mais je crois qu'il est portugais. Non, non, parce qu'en fait, nous, on traverse en fait, pour aller au Maroc. Donc, donc à un moment, t'es obligé, t'es obligé de parler portugais, t'es obligé de maîtriser un petit peu. Je te jure. Bon, bah écoutez, tiens, ce que pensent les gens de toi, ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça m'intéresse. On est parti dans la rue, c'est le son de la rue maintenant. Let's que go. Pensez-vous de David Carrera? La réponse tout de suite. Skyrock. Il nous entend? On aime bien, et moi personnellement, j'aime bien le papa. Continue comme ça, on t'aime! Oh, elle est pas terrible, hein? Non, non, il est chouette. En plus, il chante bien, alors. Non, non, il est chouette. Quand on s'est avec les stars, on l'a suivi. Au Portugal. En force, David, on t'aime. C'est une star portugaise. Continue comme ça, t'es le meilleur, on t'aime, voilà. Il est beau. Si, il est beau, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais, il chante bien. J'aime bien son album. Ah, voilà. Bah, je le suis depuis qu'il a commencé au Portugal. Donc, j'ai adoré toutes les séries qu'il a fait au Portugal. J'allais dire que je l'adore. C'est une perfection. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça, quoi qu'il arrive. Il est juste, c'est deux mecs, quoi. Je suis portugais comme lui, mais sans plus. Hein. Et j'ai assisté à la naissance de David. Et peut-être qu'il me connaît pas. Ils sont super bien, ils tous l'adorent. Ah, c'est zic, elles sont bien. David Carrel et Wam Tumou, une tâche au milliard. J'ai pas tout compris à la fin. J'ai quelqu'un qui a assisté à ma naissance. Oui, ça, t'as retenu ça, c'est la sage-femme, on a retrouvé la sage-femme. Et elle est là derrière, retourne-toi, bravo. Bravo, bravo. Elle est venue assister, t'as vu tout elle petit. Là. Et elle est là. Elle a de la barbe quand même, sage-femme. C'est vrai que c'est une sage-femme barbée. C'est ouais. Un sacré boulot, sage-femme, j'avais pas que ça. C'est un sage-homme. Bon bah voilà, c'est plutôt positif, les gens sont contents. Mais non, c'est fou cool. Par contre, moi j'étais halluciné par le nombre de gens qui te suivent, enfin qui t'ont suivi même sur ce que t'as fait au Portugal. Mais c'est marrant et c'est cool, tu vois, c'est deux marchés qui sont assez séparés musicalement. Et même culturellement, mais c'est sympa que les gens puissent suivre des deux côtés, autant la fanbase au Portugal qui suit ce qui se passe en France et vice versa, c'est vraiment cool, c'est sympa. Voilà, on rappelle que t'avais fait Danser avec les Stars, que t'as joué dans une série aussi, hein, c'est ça? Ouais, j'ai joué dans une série. C'est le genre de série où ils sont tous dans le couloir. Qui s'appelle Morangos Komasu. Tu veux pas lire Ujmak, Jvon et Magic? Non, non, c'est je te laisse faire. Non, c'est Morangos, c'est quoi le Morangos Komasu. Voilà. Qui veut dire? Qui veut dire fraise avec du sucre. C'est ça le nom de la série. Ils sont allés loin quand même. Ils sont allés très loin. Le concept de la série, tu bouffes des fraises avec du sucre. Non, en fait, c'est le genre de série. Ça va, David? Oui. La fraise est très bonne. Bon, tout ça en portugais, hein. Faut imaginer en portugais. Hein. Et pourquoi t'as fait une voix de film de X quand tu l'as fait? Parce que, excuse-moi, mais Morangos comme asseoir, donc fraise avec du sucre. Tu veux rajouter de la crème chantilly? Non mais c'est le genre de série, en fait ils sont tous dans le couloir et ils se mettent tous à chanter et danser, tu comprends pas pourquoi. Mais c'était cool, c'est ce qui m'a ramené vers la musique et donc je le rejette pas, c'est vraiment quelque chose. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas fait de la musique, je serais pas ici ce soir. Donc c'était cool. Et le nom de ton personnage c'était tu sais? Oui, Lorenzo. Ouais. Ça aussi ça fait pas film de cul. Ça va Lorenzo? Lorenzo. Je prendrais bien beaucoup de fraises avec du sucre. Lolo. Lolo. Mais t'es vraiment en mode film obsédé, de X, hein. Hier c'était le Shinsekai, c'était un film japonais. Je sais pas, mais moi dès qu'il y a un peu de chaleur, je sais pas, ça me transforme. Voilà. Je suis désolé. J'avais Lolo Ferrari, mais Lolo Carrera. Il est avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. On va écouter votre morceau, vous le ferez en live dans quelques minutes. Yes, ouais. Qu'est-ce qu'on met tout de suite, David? Est-ce qu'on met Amnésique? Ouais, on peut mettre. Non, viens, on met Ma Liberté. Ma Liberté, comme tu veux, avec Tal. Wiz Khalifa Tal. Wiz Khalifa. Ouais, c'est ça. Ah, il y a Wiz Khalifa dedans. Non, il y a un sample de Wiz Khalifa. Ah, il y a le seul sample. Il y a un petit sample de Wiz. Mm. Et ouais, c'est un des titres préférés, un des titres qui revient le plus. Il y a Boom, il y a Obrigado, il y a aussi Ma Liberté. Donc ouais, on pourrait. Tiens, dites-nous aussi vos morceaux préférés avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Et là, on l'écoute, Ma Liberté avec Tal, tout de suite. Big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Big joint rolling, Bombay sipping, pour shots of liquor. Prenez tout ce qui brille autour de moi. Yep. Si vous pensez que toute ma richesse est là, yep. Prenez tout ce que vous voulez. De ce monde artificiel. Et gardez toutes ces choses qui nous envoient en enfer. Toutes ces addictions qui font pleurer nos guerres. Prenez tout ce que vous voulez. Et laissez ma liberté. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Vous des rois, yeah. Si vous pensez que votre bonheur est là, yeah. Prenez tout ce que vous ce monde artificiel. Garder ses promesses qui ne voient jamais le jour. Toutes ces illusions qui font pleurer l'amour. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez ma liberté. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Drinking up, that's the rules. Sur Skyrock. Big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Bad bitch get in. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Voilà le morceau avec Tal à l'instant et Wiz Khalifa, samplé dessus. Ma liberté, c'est extrait de l'album Tout recommencer de David Carrera avec nous. Yes, sir. Content aussi, Tal, un petit mot, enfin, un bisou, Tal. Je sais pas si ça doit passer dans la semaine, mais. Je sais pas, je pense qu'elle est en tournée en ce moment. Ou elle est en fin de tournée, ouais, peut-être. Elle est on the road. Ouais, donc, un gros big up à Tal. Merci d'être rentré sur cet album. C'était, c'est la sœurette et c'est cool, tu vois. On a partagé un titre, on s'est bien amusé. On a galéré pour trouver le titre qu'on devait faire ensemble. Parce qu'on était vraiment, moi je voulais mettre un flow hip hop. Et elle aussi, elle voulait mettre un flow qu'elle cherchait, son flow à elle, tu vois. Donc on était vraiment, on a eu un peu de mal, mais on a réussi à trouver le titre qui nous plaît les deux et on s'est bien amusé sur ce titre-là. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cet album. Et il y a plein de réactions dessus, en tout cas. Les gens apprécient ce morceau aussi. Donc, c'est ça, c'est cool. Je pense qu'on s'est pas trompé sur le morceau qu'on a fait ensemble. Donc merci. Déjà, je voudrais remercier à tout le monde, à tous ceux qui laissent des messages. Et voilà, merci beaucoup pour tout. Allez-y. Et n'hésitez pas à demander des titres. Ouais, le hashtag David Carrera sur Skyrock, nous dire vos morceaux préférés. Dans un instant, on va revenir. On mettra alors peut-être le tout amnésique ou. Ou autre, tiens, dites-nous le morceau que vous voulez écouter. Ouais. Avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Tiens, si je vous demande à vous ici, quel morceau? Ah, c'est le bordel, pardon. Ah, rien à envier. Je pense qu'ils sont. C'est tunisiano, hein. Ah, bah peut-être c'est rien. Bachir. Rien à envier dans un instant, ne bougez pas. J'ai des places pour aller voir Ministère Hammer. Tu connais Ministère? T'as su où c'était? Ou t'es un peu. J'étais jeune, hein. T'es jeune, ouais. J'étais un petit peu jeune, mais je connais. Et terrible, ce qui fait plaisir, c'est donc Passy, Stomy, Ministère Hammer qui se reforme le temps d'un Olympia. Ah non? Lundi pour fêter les 20 ans de l'album, justement le premier album culte. C'est de ce lundi-là? C'est le 22 septembre. Il y a moyen de me passer une place ou quoi? C'est à l'Olympia, ça commence, je crois qu'il reste très peu de places, donc dépêchez-vous de les prendre. En tout cas, nous, on vous file, bonsoir mademoiselle qui arrive, on vous file les toutes dernières aussi, donc allez-y. Si vous voulez voir Ministère Hammer, il suffit d'envoyer via le hashtag Planet Rap, le hashtag Skyrock, en disant je veux absolument aller à l'Olympia, on vous file des places ce soir, ou alors vous l'envoyez aussi. Ça suffit en fait, juste via le Twitter Planet Rap, allez-y, vous laissez vos messages et vous irez peut-être voir Ministère Hammer. Ça va, Cindy? En forme? Installe-toi, ça, je suis désolé, j'ai un bisou à Cindy qui vient d'arriver aussi. Et bon, on parle avec Cindy dans un instant. Deuxième invité qui vient ce soir et c'est un honneur d'être avec elle ce soir. Et bah pareil, elle s'installe et on en parle juste après, bougez pas. Gagne 400. Comme toi, David Carrera a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec David Carrera qui est là. Il y a LECK qui est là aussi depuis le début de l'émission. Ouais. Et vient de nous rejoindre juste avant la pub, Mademoiselle Cindy. Mademoiselle Salut. Cindy. Ça va bien, Cindy? Qui est présente. Ça va? Je te vois pas. Je profite un peu de tes jolis yeux. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Alors, je suis très content de te voir, mais la question que j'ai envie de poser à David, c'est pourquoi Cindy est là ce soir dans ton Planète Rap? Bah parce que on s'est déjà croisé pas mal de fois en promo. J'ai déjà vu plein de lives avec la team BS. Avec la team BS. Et j'apprécie beaucoup Cindy parce que déjà humainement c'est quelqu'un de très. Tu fonctionnes à l'humain. J'aime beaucoup les artistes, mais les artistes humains, tu vois. Les gens qui ont pas la grosse tête. Pour moi ça c'est les vrais artistes. Et on s'est croisé plusieurs fois en plateau. Et pour moi c'est important quand tu croises quelqu'un, il vient te dire bah bonjour, ça va, je m'appelle Cindy. Et toi comment tu t'appelles, tu vois. Pour moi ça c'est important. Arrête, tu sais ce que tu cherches là. Mais arrête de voir le vice constamment quand tu m'as. T'es un vicieux quand même, Fred, c'est pas normal. Et si vous nous entendez, je pense qu'on peut faire hashtag Fred le vicieux, s'il vous plaît. Hashtagé. Et laissez les pieds, envoyez des photos sur dos. Avec hashtag. Non, mais pour moi c'est important, tu vois. Et j'ai. Fababi aussi, c'est quelqu'un de super sympa. Tu l'as pas invité. En fait, tu l'as dit, Fababi, t'es sympa, mais viens plus tard. S'il te plaît, viens pas à mon Planète Rap. Par contre, tu as invité Cindy. Par contre, j'ai invité Cindy parce que je suis tombé amoureux de Cindy. Voilà. Ça, il le dit enfin. Voilà, je dis, en fait, j'attends qu'il l'assume. En fait, le boom, je l'ai écrit pour Cindy. On est un peu trop à LECK, je pense. On va aller. On va regarder le PSG, tu vois. Ouais. Tu peux pas mater le PSG là pendant que vous racontez un peu vos histoires. Non, mais voilà, et je pense qu'elle a vraiment, elle a préparé son album, donc elle a vraiment une grande carrière devant elle. C'est vrai qu'elle est talentueuse, la petite Cindy. Tu as raison. Beaucoup, j'apprécie donc plus de compliments ce soir. Donc voilà, c'est cool. Donc j'espère qu'elle va faire une grande carrière. Et peut-être un de ces jours, on fera peut-être un duo ensemble. C'était ma prochaine question. C'est quand le duo? Bah, je sais pas. Sur son album, bientôt, peut-être, le tien est sorti. Le mien est sorti, après peut-être il y aura une réédition, on sait pas, réédite. Ou... C'est la surprise. Donc voilà, vous savez, le titre est dans les bacs, achetez-le. En mode moco. Ouais. Le titre n'est pas fait, mais il est déjà dans les bacs. Ne quittez pas, allez-y, cliquez. Et voilà, donc voilà. Bon, bah écoute, bienvenue Cindy, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir d'être là déjà, je tenais à dire aussi, merci David de m'avoir invité. Tout se passe bien, donc toi tu t'enregistres, tu bosses. Moi je suis en recording, ouais, je suis en train d'enregistrer de travailler sur mon album. En fait, j'avais prévu ce soir une surprise pour les fans, parce que en fait les gens ne savent pas encore comment j'ai appelé mon album. Donc j'ai l'occasion. Tu vas le donner? Ouais. Je vais donner le titre, ce soir, ici. Alors laisse-moi faire un petit peu de teasing. Ne bougez pas, dans un instant, grosse exclue dans Planète Rap. Cindy dévoile le titre de son album qui sortira quand, 2015? Je pense. 2015. Une question, tu peux le faire en mode vicieux, la même chose? Ça arrive. Arrête de me trop me chauffer là-dessus parce que tu sais pas ce que tu déclenches comme animal. Bon, j'ai une question moi par contre à poser avant justement de revenir sur l'album de Cindy. C'est dans quelle ville est né David Carrera? On en a parlé en début de semaine. Attention, Moi je sais, je crois. Les fans, elles sont choquées, mais comment tu sais pas ça, quoi? Attention, il peut peut-être y avoir un piège. Est-ce qu'il est né au Portugal? C'est juste pour savoir. Non, non, il n'est pas né au Portugal. Non. Ok, vas-y, ok. Allez-y, si vous avez la bonne réponse, 41-759, vous repartez Wikipédia. Avec l'album. Wikipédia. C'est assez simple là-dessus. Vous repartez avec l'album dédicacé à David Carrera. On écoute un morceau, on annonce le nom de l'album de Cindy juste après. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on mettait le... Voilà, rien, il suffit juste de sourner. C'est genre d'émission, rien à envier. Il n'y a personne qui a dit boum. Hein. Ouais. Ah bah merci. Hein. Dans un instant, c'est super. Parce que dans un instant, il y aura boum. Mortel tout public, David. On fera boum en live avec LECK. On écoute rien à envier. On fera tourner la roulette aussi au 41-759. Vous vous inscrivez. Et bah là, c'est parti, on met le morceau. Let's go. Qu'il me regarde, qu'il me voit, qu'il s'intéresse un peu à moi. Il me blesse, je ne comprends pas, mais qu'ont-ils tous de plus que moi? Quand il plaisante, je subis, simple figurant de ma vie, gosse transparent, asservi. Il m'en est incompris, il ne m'accepte pas malgré mes tentatives. Il me montre du doigt même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui je suis le seul fautif. Mais je sais, je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? pas assez bien pour vous. Éteint et jamais bon coup, pas à la mode. Coupable, pas dans l'écho d'un infréquentable. Je ne vous ressemble pas, c'est vrai. Sûrement pour ça que je vous effraie. Je reste l'ombre d'un grain de sable dans votre monde irréprochable. Il ne m'accepte pas malgré mes tentatives. Il me montre du doigt même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui je suis le seul fautif. Mais je sais, je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai pas commis de faute. Qu'importe si je me vautre. Je ne sais pas me déguiser. Mais brave gens, je suis la risée. Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Yeah. L'album est disponible. Si allez le chercher. Si saute, j'ai envie de carrière. Est-ce que tu me retiendras? Dis Béchir. Bon anniversaire Béchir. Et le CK, Cindy, sur Skyrock. Yeah. Je n'ai rien à envier aux autres. C'est Skyrock et c'est Planet Rap. Avec rien à envier à l'instant, ça extrait l'album qui est dans les bacs, l'album de David Carrera. Ouais. Sur Skyrock, il y a quelques minutes, je posais une question. Où est né David Carrera? Moi, je sais. Alors, tu as regardé? Non, je peux pas te dire. Bah, si tu peux dire, ça y est, on a la réponse. Il est né à Marrakech. Il est né à Dourdan, dans l'Essonne. Dourdan, dans l'Essonne, en effet, dans le 9-1. Magnifique. Et ouais, dans le 9-1. C'est un mec du 9-1-0. Voilà, c'est un mec du 9-1. Voilà. Très jolie forêt, d'ailleurs, à Dourdan. Tu connais Dourdan? Ouais, je connais Dourdan. C'est qui fait là? C'est là-bas où ils font les fêtes entre l'accusé, tout ça. C'est là-bas, donc Dourdan, en effet, donc dans le 9-1. Avant de retourner aux racines, justement, avant de retourner au Portugal. Ouais, il y a beaucoup de monde qui connaît quand même. Bah, y a beaucoup de monde qui a été cliqué, hein. Wikipédia, ça marche fort. Mais dans le 91, il y a une forte communauté portugaise, hein. Ouais, bah 94 aussi. Ouais, et carrément, il y en a 94, plus dans le 94. 94, on est. 94, c'est. C'est à peine si le drapeau portugais là-bas. Je te jure, il faut comme les Algériens, ils ont fait la Coupe du Monde. C'est le Portugal ici. Et sur Skyrock entre 20h et 21h, donc il y a LOCK qui est là, vous allez faire le live dans quelques minutes. Cindy qui nous a rejoint aussi. Je suis là. Qui a donc une nouvelle à annoncer. Oui. On y va? Ouais, c'est parti. Donc ça va être le nom de ton album. Le titre, oui, de mon T'es album. T'es sûr? Certaine. Même si les gens disent c'est de la merde. Non, c'est pas grave, je l'ai validé, moi. Il me plaît, moi. À toi, il te plaît. C'est comme ça, hein. Donc alors attention, si on avait un roulement de tambour, j'en ai pas de roulement de tambour. Merci, elle essaye. Merci. Ça c'est les tambours. Je dirais c'est l'hélicoptère. C'est le tambour de Warzazat. Voilà, attention. C'est mon album. Ton album qui va sortir en 2015, il va s'appeler Selfie. Selfie. Oui. Magnifique. Putain, personne l'a utilisé en putain, j'ai pas eu l'idée. Putain, bien joué. Selfie. Voilà, un album qui se regarde. Je trouve quoi là. En plus, c'est un concept selfie. Fille. C'est ça. Non, déjà pour deux raisons. Je vais vous alors, expliquer. Première chose, déjà, j'ai commencé avec la Team BS. Donc, j'étais pas toute seule. Aujourd'hui, je le suis. Donc, selfie déjà. Donc, pour le côté, en effet. Exactement, toute seule. Et deuxième chose, c'est parce que je trouve que ça reflète bien aussi ma génération. Et que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et en même temps, c'est quelque chose qui tape fort. Donc, et voilà. Tu passes ton temps à faire des selfies d'ailleurs. C'est vrai, beaucoup sur Instagram d'ailleurs. Je l'admets. D'ailleurs, tu veux faire un selfie là avec tout le monde. Bon, pas toute seule. Tu vas faire un. C'est déjà fait. C'est parti. Vas-y. Allez, fais-nous un selfie. Donc, l'album s'appellera Selfie. Il sortira en 2015. Il sortira en 2015. Un album où peut-être d'ailleurs on retrouvera David Carrera dessus. Qui sont en featuring et le selfie vous le retrouvez sur tout de suite. Selfie. Ça y est, c'est fait. Sur Insta, je le poste. Instagram. Je le poste tout de suite. Balance adresse. Cindy Off. Parce que Cindy officiel c'était déjà pris. Donc voilà. C'est con. Donc Cindy Off c'est pas mal aussi. Exactement. C'est qui l'a pris Cindy officiel? C'est Sanders. Je ne sais pas. Ouais, c'est elle en plus. Là je vous présente Marocco de Valence par téléphone. Salut Marocco. Tiens, on parlait du Maroc. Ça va bien? Ça va, tranquille. Hein. Non, Mribi. Je te présente David Carrera et le CK Cindy aussi. Salut, Marco. Ah, ouais, bah je connais les trois. Tu connais les trois, bah. Non, par contre, là, j'étais au bout du fil. J'ai entendu, il est né à Marrakech. Voilà. C'est ça, Marocco. Ouais, il est né à Marrakech. Toi aussi, t'es né à Marrakech. Une petite ville, comment ça s'appelle? Dourdan. Voilà, Dourdan. Dourdan, voilà. Dourdan à Marrakech. Dourdan, voilà. C'est un quartier de Marrakech. Ah, voilà, exactement. C'est quartier sud de Marrakech. Près d'une forêt. Exact, Marocco, tu as bien retenu, parfait. Bon, maintenant t'es prêt à rapper? Ouais, vas-y, je suis prêt. Allez, hein. Session freestyle par téléphone, t'as une 30 pour tout déchirer, c'est parti. Ok. Dis-le, c'est le M, coroné. Marocco, rouge d'un, qui me blague, tiens, ça bouge pas. Dire, ça du sale, ouais, j'ai pas le choix. Mon effet, pas de moi. J'ai misé sur la musique et le rap car. C'est mon rêve pas, je fais des coups par. J'y suis pis, j'entraîne voir que le temps passe vite. Faire face à la crise, faire gaffe à son bis. Éviter les flics, se débrouiller du bif. Enrichir la mif, améliorer ça. Et c'est le M si tu kiffes. Marocain, j'ai toujours foncé, sans renoncer. Baisser les bras, abandonner, j'ai jamais pensé. Déjà, les larmes de ma mère dans les banques. Je suis son, je perds les sommeil. Rap, c'est grosse tête. Je veux la grosse pièce. Les deux pieds dans la merde, la tête dans les. Enfant du délire, l'Afrique c'est ma terre, Marocain, j'en suis fier. Yeah, on peut l'applaudir quand même. Avec tout le studio qui t'applaudit, Marocco 26, ah, ça fait plaisir. Merci ça à toi, mon pote. Tu veux passer merci à... ouais. Un petit message, petite ouais, dédicace pas... Ouais, bah déjà bah, pour m'écouter sur le net, tu peux aller sur ma page Facebook, Marocco 26. Et je voulais placer une grosse dédicace à toute la team Black Mafia, Adi, Billy, Prince, Ange, Merveille, Kaka, toute la clique, même ceux que j'oublie. Grosse dédicace à eux. Et gros big up à tous ceux qui soutiennent. Eh ben merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Marocco 26. Merci à vous. Hein. Ciao ciao, passe une bonne soirée et bah on continue dans un instant le live avec LECK, morceau qui s'appelle Boom et juste avant je crois qu'on a encore un outil à passer qui est Amnésique. Ouais, on peut se mettre le Amnésique. Tu veux dire un mot sur Amnésique? Bah il est aussi travaillé avec Tunisiano sur ce titre là. Mm-hmm. Et voilà, il parle en fait ça parle un peu de moi, j'ai des graves problèmes de mémoire. Et déjà et ouais, à ton âge parce que c'est la vieillesse hein, tu vas voir quand t'auras mon âge, tu vas voir, c'est pas facile. C'est vrai que je suis juste en dessous. T'es juste un petit peu en dessous. et voilà, donc c'est un titre qui parle de manque de mémoire, qui parle d'amour. Et voilà, donc il s'appelle Amnésique et je l'ai fait avec Tunisiano et j'espère que les gens vont l'apprécier. Et bah réponse tout de suite, balancez avec le hashtag David Carrera sur Skyrock, dites-nous ce que vous pensez du morceau Amnésique, c'est extrait de son album qui est dans les bacs depuis fin août. Juste un demi-sucre dans mon café. Ces petites habitudes que j'avais gravées. Le fil de l'histoire qui se perd, qui s'attarde. Cet inconnu dans le miroir qui me regarde. Tu dites-moi qui je suis, dites-moi où je vais. Qui sont mes amis, qui dit faux, qui dit vrai. Un souvenir me guide. Quelqu'un que je connais. Juste pour te rappeler que je pense à toi. On m'a parlé de toi. Je crois que tu me manques. Que je ne connais pas de toi. Je te l'invente. On m'a parlé de toi. Je crois que tu me manques. J'ai enfoui en moi ce bout de toi qui me hante. Que tu m'avais oublié. Que sans arrêt tu parlais de moi au passé. Mon amnésie qui m'effleure, qui me nargue. Cet inconnu dans le miroir qui me regarde. Dites-moi qui je suis, dites-moi où je vais. Qui sont mes amis, qui dit faux, qui dit vrai. Un souvenir me guide, quelqu'un que je connais. Juste pour te rappeler que je pense à toi. de toi. Tout ce qu'on a dû faire ensemble, on parle de moi. Il paraît que l'on se ressemble. On parle de toi. Tout ce qu'on a dû faire ensemble, on parle de moi. Il paraît que l'on se ressemble. À l'instant, extrait de l'album de David Carrera, Tout recommencer, le morceau, c'était Amnésique. Il est parti voir s'il avait du réseau d'heure. Pourquoi, t'as un coup de fil à passer ou quoi? Hein? Vous voulez passer? Non, je voulais mettre la petite photo qu'on a pris, la petite selfie. Il y a le wifi ici, il y a des trucs modernes dans la radio. Ah, vous êtes moderne dans cette radio? File-moi, je vais te mettre le code wifi. Moi, je suis en 4G en attendant. File le portable, j'ai récupéré quelques numéros d'ailleurs, ça m'intéresse. T'inquiète. Regarde seulement pas les photos, c'est la chose que je te demande. Regarde pas les photos. Fallait pas me dire ça. T'es fou toi de me dire ça. Non, je veux pas que t'aies peur, c'est tout. Ah ouais. C'est chaud. Oh. T'as pas honte? Je pense qu'on pourrait faire hashtag Fred le pervers. Mais ils ont quel âge les animaux? T'as pas honte ou quoi? Oh, c'est toi aussi, par contre, une jolie photo. Il était stylé quand il était petit, hein. C'est le CK, non? C'est le CK. J'ai les mêmes cheveux aujourd'hui. Ah, une cheveux, c'est toi? Ouais, quand j'étais petit. Le beau gosse, hein. On peut la montrer, tiens, Momo, fais un zoom là-dessus, s'il te plaît. Allez, fais un zoom là-dessus, hop. C'est le portable de David K. On aime ça comme il est tout mignon. Ah, vous avez pas vu? Pour ceux qui ont les images, sinon on vous le mettra évidemment sur skyrock.fm, sur le blog de Planète Rap. Quand j'ai pris la photo, je faisais zwig, zwig, zwig. Non, mais franchement. Tiens, attends, je vais te mettre le code après. Je tiens à féliciter toutes les mamans. Parce que quand on était petit, franchement, c'était affreux. Hein, ah, il y a des trucs, ouais. C'était incroyable. Même quand on a grandi, il y a des trucs qui vont m'oublier. Ah ouais. Bon, LECK, est-ce que tu es prêt maintenant? Je suis toujours prêt. Prêt. David? Prêt pour le boom en live? Ah ouais. Vous êtes prêts à avec chanter avec nous, les hein filles hein. Ah, tout le monde est prêt à chanter boom? Eh ben on y va, coup d'envoi maintenant, c'est extrait de l'album de David Carrera qui est dans les bacs. David Carrera. Yeah. Allez, c'est K. Faut que tu laisses tomber, frère. Elle est trop jeune, Cindy, arrête. Comme dans un film au ralenti, boom. La dernière image, toi qui t'enfuis, boom. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boom. Dehors il fait gris, clap de fin, puis boom. Le taxi en bas qui démarrait, boom. J'ai le cœur qui bat au ralenti, yeah. Dans tes yeux je vois tout est fini, boom. Notre histoire d'amour sous la pluie c'est ne pas repenser à toi, surtout sortir vrai comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit, hey. Tu es dans toutes mes nuits, hey. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard, et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard, yeah. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. Tout le monde, yeah. Plus fort, oh yeah. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort, yeah. J'ai essayé de m'évader. Et quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à, je te vois partout, je rêve de, mais je rêve de nous ensemble. Je deviens fou, j'ai peur de ne plus savoir aimer. Je connais cette comme meuf, vie malenti zoom. J'essaie de cacher. On m'avait pas prévenu. Je me sens tout seul, perdu dans la foule. Tant de souvenirs, quand moi je re. Yeah. T'as dit c'est la vie, tout est fini. Yeah. Quelques secondes d'un monde qui sait. Ne plus regarder ces photos de nous. Depuis ton départ, c'est la fin de. Ouh. Sortir vers comme si je tenais le coup. Mais tout ça va loin d'ici. Ton souvenir me poursuit. Yeah. Tu es dans toutes mes nuits, tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Yeah, moi. Tu es parti, mais et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard, yeah. Tu m'aideras, yeah. À tout le t'effacer tout le monde, de tout le monde, ma mémoire. Tout le monde. J'ai essayé de t'oublier, yeah. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pensait qu'on dépasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer. Yeah. Je connais cette meuf, c'est le piment dans la Harira. David, après c'est le soleil et pour ses carrières. Je l'ai vu au Maybach bouger son body. Elle michetonne, elle taffe pas, elle roule en Audi. C'est un constat, il sera trop tard, je te l'avais prédit. Ouvre tes yeux et laisse là où tu vas faire un crédit. Ton cœur un jour ou l'autre, faudrait bien qu'il arrête. Elle m'a allumé, hein, j'avais même pas de cigarette, hein. Tes caprices d'ado, elle te mène en bateau. C'est pas ta puce, coupe la tienne, tu me diras obrigado. Essayez, tout le monde sait, de t'oublier. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à, je te vois partout. Je rêve de, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer. Cindy. Wouh! Du bruit s'il vous plaît. Plus de bruit. Merci. À l'instant, le morceau s'appelle Boom. Et vous le retrouvez sur l'album de David Carrera avec yeah. LECK. Et magnifique ce morceau. Magnifique ce morceau. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Voilà. Et ça a plu aussi à tout le monde, vu les messages qui n'arrêtent pas de défiler. Allez-y, 41759, 41759, le hashtag aussi David Carrera sur Skyrock. Yeah. Et LECK, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Un petit point, alors, promo, qu'est-ce qui se passe? Mokobri. Mokobri, le petit point Mokobri. Excuse-moi Vlad. Bon écoute, là c'est le deuxième album qui arrive en 2015. Ça va accélérer et puis... comme ceux qui me connaissent pas, ils savent, non, ceux qui me connaissent, pardon, ils savent que je donne beaucoup de choses gratuites. Mmh. Donc là, ça va, on va enchaîner, on donc va là, envoyer y a plein des de choses qui arrivent. Exactement, il y a beaucoup de choses. Donc le deuxième album, il est prévu. Je pense que c'est, ça sera pour le premier trimestre de 2015. Mmh. Voilà. Et faut me suivre sur Facebook, Twitter, c'est toujours les mêmes réseaux sociaux. LECK Hugo. Voilà. LECK Hugo Instagram, LECK Hugo sur Twitter et LECK officiel qui est ma page où on est bientôt 500 000 dedans. Donc faut vite suivre ce qui se passe dedans. On peut viser le million. On peut y aller. Après, à côté, je suis aussi un peu un entrepreneur dans un concept où je suis ambassadeur d'un concept qui déchire sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme en ligne pour tous les amateurs de chicha, narguilé. Ça s'appelle Smoker. Et en fait, c'est avec 3 O. Smoker, et c'est là-bas que ça se passe. C'est juste magnifique. Donc, tu peux fumer l'ordi, quoi. En fait, c'est un concept où tout est relié via cette plateforme. Et voilà, pour booker des artistes, pour les chichas, pour tous les trucs comme ça, ben voilà, je suis l'ambassadeur. Bonne idée. Et c'est juste magnifique, c'est sur... voilà. Et entre donc, Smoker avec 2 os. Smoker avec 3 os. Avec 3 os. Et voilà, et je suis aussi parrain d'une association où le 7 décembre, ben j'espère que David sera là, qui lutte contre les armes à feu. Donc le 7 décembre, voilà, ça va se passer à Argenteuil. Et si les libres, il va passer, si donc il y aura du beau monde. C'est beau monde, ça sera le 7 décembre, si Dieu le souhaite. C'est par rapport aux armes à feu, parce que je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur ici en France. Et voilà, faut pas non plus voiler la face et dire ouais, mais non. Ça reste que des cas particuliers, malheureusement. Ça existe en France. Malheureusement, ça existe. Ouais. Et voilà. Et donc, le deuxième album, l'actu numéro 1, c'est le deuxième album. Et je remercie David de pouvoir qu'on puisse s'exprimer dessus. Donc, le deuxième album, il arrive très rapidement. Allez l'acheter. 2015, Inch'Allah. Il est déjà sorti au Maroc. Et au voilà. À Marrakech. Vous pouvez précommander sur le iTunes voilà. Marocain. Voilà. Et juste un petit message personnel, c'est pour mon grand frère Béchir qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Alors, j'aimerais beaucoup pour mon grand frère qui fête ses 40 ans, si on peut l'applaudir. Bravo, le beau prochain. Voilà, ça fait 40 ans. Et bon anniversaire. Béchir, voilà. Joyeux anniversaire. Oh, magnifique. Ah bah magnifique. Joyeux anniversaire, Béchir. Joyeux anniversaire. Ouais. Magnifique. Vous déchirez. Et puis voilà, j'ai mon magasin toujours sur Vitry. Si vous voulez venir, voilà, on vend des t-shirts. Et puis voilà, et grosse dédicace à l'adresse et au Twitch. Et à toi Fred, à David Carrera, si on peut faire du bruit pour David Carrera. Yassine. Merci à LECK. Faut dire ce qui est, ce mec-là, ce qui déchire, c'est qu'il n'y a que lui maintenant. C'est lui qui déchire et voilà. Il et est là. Et vous faites bien de le supporter parce que c'est vraiment un homme en or. Et voilà, moi aussi je suis fan de lui. Beaucoup, on est tous là. Merci à LECK d'être là ce soir. C'est moi Cindy. Qui remercie les deux invités d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Cindy, donc on a bien retenu l'album s'appellera Selfie. L'album merci de nous l'avoir dit en exclu ce soir dans l'émission. Voilà, il sortira sûrement début de l'année prochaine. On va aller l'acheter aussi. Je suis en train de travailler dessus, essayer de faire quelque chose d'assez lourd puisque j'arrive toute seule maintenant. Et puis voilà, continue de me suivre sur les réseaux et j'essaye de poster le plus souvent possible des choses par rapport à mon album. Bah là, il y a la photo que t'as pris avec David. Je vais l'annoncer vraiment, le selfie. Parce que je l'ai dit à la radio, mais pas encore sur les réseaux. Donc voilà, je voulais remercier David aussi de m'avoir invité. C'est moi qui t'en remercie. Sympa. Et comme il l'expliquait tout à l'heure, c'est vraiment, enfin, pour ma part, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que, comme il le disait, on se voyait beaucoup sur les plateaux, sur tout ce qui est concerts avec plusieurs artistes. Et à chaque fois, en fait, on s'est dit bonjour, c'est normal. Alors que chez certains artistes, malheureusement, ça ne l'est pas. Et j'aime aussi le fait qu'on puisse rigoler, qu'on puisse discuter à chaque fois avant de monter sur scène. C'est cool, c'est quelqu'un de cool. Et suivez-le, continuez à le soutenir. Et, voilà. Et bah, merci en tout cas, Cédric, qu'on peut applaudir aussi très fort. Bravo. C'est vrai. Bravo. Merci à Cindy. Les artistes qui pensent qu'ils font pas caca, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je te jure. Hein. Comment tu fais caca, toi? Bah écoute, nous allons en parler dans quelques minutes dans la forêt de Dourdan. Je fais un trou. C'est très bien, c'est très naturel. Oui, voilà, c'est bio, nature. C'est Nicolas c'est bio. Voilà. Et on fait tourner la roulette juste avant de retrouver Diffoul maintenant. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre SimCity, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Salut Enzo de Rive de J.E. dans le 4-2, ça va bien Enzo? Tranquille et toi? Bah écoute, en pleine forme, prêt à faire tourner la roulette, on y va? Toujours prêt. Allez mon pote, fais-nous un beau stop, c'est parti pour conclure ce Planète Rap ce soir avec David Carrera, avec Cindy, avec LECK. Ça va s'arrêter pour toi sur la case. Et ben voilà, ciné pour aller voir Sin City, j'ai tué pour elle, qui est sorti aujourd'hui, film Skyrock, c'est pour toi Enzo, t'as 4 places. Yeah. Et ben on te remercie d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission, passe une belle soirée. Merci à vous, on va retrouver Diffoul tout de suite. Merci. J'ai un petit mot pour Romano en plus, si tu peux me le connecter. Tu as entendu son gros tube ou pas? Il déchire ce mec. Gigoté. Eh Romano, je crois qu'on parle de toi dans Planète Rap. Ouais. Et moi j'ai un débile. Il a pas son casque, il vous entend pas. Ah bah il a loupé. Comment vas-tu la Marie? Ça va, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. La pêche. Bon, bien tout le monde. Écoute, on est bien, on a passé une bonne soirée. Le CK était là, David Carrera. Le prince du hip-hop est disponible. Romano, t'es là? Romano et le CK veut te parler. Je te prends au mot, Romano. Est-ce que tu es capable cette semaine avant la fin de la semaine du Planète Rap à David Carrera de remixer Boom? Boom, ouais, bah vas-y, vous me demandez. Ah, ça y est, il a chaud, il est chaud, il est en train de se. J'ai des membres du monde entier, moi là. J'arrive plus à suivre. Ouais, mais là, sincèrement, là on est au Planète Rap, faut faire un petit. Non, mais vas-y, on va faire un truc bien, ouais. Voilà, d'accord. Mais remix, pas la version 1. En mode gigoté. Ah, bah putain. Bon, tu es en train d'être dépassé par ton succès, Romano. Ouais, non, mais c'est ça. Ça commence à me monter à la tête, là. Ouais. Attention, est-ce que tu as manager? C'est moi. C'est Diffoul. Ah, c'est Diffoul. Hey, Diffoul. C'est oui. Hey, faut qu'on parle. je crois qu'on va signer là bientôt. Hey, on va signer, c'est bon. Très bien, ça roule. Bon, on s'y tient, David Carrera. Vas-y, on va essayer, ouais. On fait ça d'ici vendredi, on a 2 jours, Romano. Ouais. Aujourd'hui, on est mercredi, ouais. Donc demain, après-demain. Je vais demander à mon équipe de producteurs de travailler là-dessus. De bosser là-dessus. Magnifique. Le défi est lancé, quoi. Vas-y, ok. Bon, merci à vous. Merci. Et demain, sans doute, peut-être la surprise demain, donc soyez là. 20h, 21h, c'est Planète Rap. David Carrera toute la semaine. Et puis, j'ai entendu Cindy, non? Oui, mais Cindy, elle est repartie tout de suite. Elle est venue me voir, c'est ça. Elle est partie en courant. Elle t'attend. Peut-être qu'elle est dans le couloir, ouais, en train d'attendre Diffoul, bien sûr. D'attendre Diffoul, ou alors un peu un featuring aussi, puisqu'elle bosse sur son album actuellement. Bon, on l'embrasse. Je suis disponible. Voyez avec mon manager. C'est moi. Il est parti là. Bon, on vous remercie tous pour. Sois pas jaloux, Cédric. Je t'ai dit, tu es mon agent de sécu. Ah oui, chacun un rôle, quoi. Et mon voiturier aussi. Ah, ok, ouais. Et sa femme de ménage également. Son partenaire. Ouais. Bah, merci à vous et à demain. Là, c'est parti pour la radio libre. Bah, tiens, j'entends. Gigoté derrière. C'est parti pour la radio libre. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous voulez tout déchirer avec nous. C'est parti, on arrive dans un instant. Qu'est-ce qu'on se met comme son gigoté? Ah bah allez c'est parti. Mais le super mix. Ah ouais, attention. Avec Snoop Dogg, avec Jason Derulo et avec Romano. À la totale. Le prince du hip-hop, Romano de Relou. C'est la version extended. La version extended. Exactement, c'est pour vous. Exactement, c'est ça. Allez, c'est parti, Radio Libre, on y va. À demain. Ciao.